lumière à la prod. Roubaix, coup de masse. Cousin, j'ai pas choisi ma route quand j'ai atterri dans le rap. À l'époque, on serrait les coudes parce que fallait tenir le cap. On aurait pu casser la croûte, mais on est tombé dans les vapes. On a chié, pas de doute, comprend qu'on veut péter les dapes. 10 ans de rap, Smokey, t'avais raison, ça a rien changé. Pourtant, je mords les occasions comme un chien enragé. J'accumule les passe-passe, le coup de grâce s'est enclenché. C'est Hyde, mais les pleins gaz, voie de gauche, puis au plancher. Du potentiel, mais pas de salaire. Voilà ce qui nous manquait. Dans le domaine, on sait y faire, genre on sait pas démarquer. On a le niveau et l'expérience de pas fournir du bâclé. T'as une grande gueule, voilà pourquoi t'as pas ta place chez Barclay. Coup de masque à l'emprod, frère, je tape, mais je tiens le coup. Les pâles copies sont que de passage, comme une migration de glou. Pétasse, bouche du mic, ce que tu grattes à mauvais goût. Trop d'MC photocopier, le peur à ne tient plus debout. Waterloo, Side, Kalem. Je me suis pris à rêver comme un môme, plein de caries dans les dents, ouais, l'esprit pour être truc méchant. On est tous présents sur la feuille. 5-9, c'est Hyde, Kalem, prod. Brut et mon esquisse qui déporte d'orgueil. Je me réveille dans la cabine, câblé, accroché par le crâne. Ne cherche pas d'MC Thorac, des ombres à donner à tes fans. Passons, j'écris par manque de jointance et je trempe ma plume d'aigle. Cassé dans la gorge de la chance, tranché en grève depuis la césarienne. Plein de soucis dans la tête, je me réveille que pour des miettes à 200 bornes de leur délire parisienne. Et laisse-nous avancer, je m'occupe d'arracher toute la route présent. Mais je trouve pas mon salut défoncé par la fume. Pertinent, moi je redescends sur terre avec un goût d'amertume. Nous cherche plus car on est hal, cousin. Tu retrouves pas en galère coincé entre le coup de masse et l'enclume. Rimkana. On tourne en rond comme mon hype, star, star, star, comme ton shotas. Tu manques de hype, on veut de le charger comme Franck Lucas. On vient tout casser, dédicace à tous les mecs dans la hype. Tire dans les jambes, on crie dans la légende, bâtard. Moi je suis somme comme Pacard, talent fâché, je suis flashé au radar double bleu. Dans la chatte à Martine Aubry, reculez-vous, je vais chez Kra. Un putain de flou comme Ibra. On a volé tout le cuivre, pour on fait la monnaie tout de suite. On veut du Dolce, du Gucci, on traîne à l'autre, la vie un Gucci. On est tous amouchés par les soucis, si si, on est tous en sursis. Je suis précis dans mon récit, pas du Tracy Chapman. Sur nos terrains y'a des messieurs et si ça rappe sale, tu te fais lever comme un cross. Cross et corsé comme les corses. Donc les procès, leurs procédures, leurs projets. On force les coffres, Kalachnikov dans la gorge. Ratatata, ratatata, c'est Rimkana. Croix-Saint-Pierre, Sliman. Branche la connexion. Comme ils ont fait des erreurs, je jamais des corrections. Mais dis-moi où tes collègues sont. Le flow à mon actif, j'en fais une collection. Ok, braque le micro, rappe le mytho. Fallait pas te mêler maintenant, tu vas aller porter plainte au comico. Pour les blancs, les blacks, les chnaux et les picots. Ce n'est pas compliqué, tu voulais faire le briquet, faire le show. Donc je reviens et en gros, j'ai pris ton niveau et le claque dans un frigo. Y'a ceux qui jettent des fleurs, ceux qui se lancent un tronc. Dans le rap, y'a des pédales qui se dopent, lance Armstrong. Exact, on zappe les actes de ZAT, une claque si ça te fait tes zaps, tes X, c'est l'Amérique. 59 connexions, satellite, la place du numéro 1, ça mérite. Slimani, mani, le putain de chromi, gosse des anomalies. Vas-y, fais le malade, patate à la momède, allez, pire que dans un rallye sur le beat, on va laisser des traces. Cool, tu peux demander à Nefast and Fair Use. Dunkerque, Tété, fidèle au poste. Enfermé dans ma bulle et pourtant je suis pas claustrophobe. J'rappe pour les sourds et muets, pas pour ceux qui causent trop fort. Néglige pas un jour ou l'autre, on prendra de l'ampleur. Et si on tourne en rond avec les miens, c'est du haut sans pleurs. J'ai jamais travaillé, j'fais que de baiser la vie. J'roule sans m'y perdre et même quand j'monte, j'rêve de baisser la vitre. J'rappe sans sous, on serre les coudes pendant que tu te serres les bras. J'fais pas de la variété, la prod est morte d'une attaque cérébrale. J'pète un cap, j'suis électrique, grosse face fou. 16h du mat, j'me réveille, j'déjeune au fast food. Chacun sa merde, j'arrive plus vite que vous l'avez prétendu. Je cours après l'argent sale même si comme à tout c'est tendu. Si c'est la crise en bas ton bloc faut investir dans Zelda. Je découpe des plaques et d'autres te chient avec l'épée à Zelda. Tu bouges la tête à mes concerts, je m'en bats les couilles, c'est gratos. Ramène pas ta sœur ou pour nous elle fera passer le matos. Pourquoi incognito. Je suis pas ton père, je vais pas te faire la morale. Je suis peut-être pire que toi. De façon je suis pas un modèle, je vais daver la nuit, je bois. Insomniaque, je remplis des feuilles de tache d'encre. Des heures à m'enfumer la tête, mes rêves, c'est un tas. Sans je suis le boss de son père, je fais mes bails en secret. Je me répète, je suis pas ton père, ni un marchand de rêve. Raconte-moi pas tes galères, en vérité, j'en ai rien à foutre. J'en ai assez des miennes, je suis comme frappé par la foudre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À part que la bœuf m'éclate les yeux et que je vais pas partir le premier quart des hommes, je suis pas le meilleur dans 30 millions d'amis. Y'a moins de chiennes que dans ma ville, tu juges. Mais pourquoi tu parles? Dis-moi, qu'est-ce que tu connais de ma vie? J'écris des têtes, c'est pas pour ça que j'ai pas le frigo vide. Je rappe pour les frères, ceux qui veulent prendre le fric aux riches. Bref, je me pose rabattre sur Call of Duty. De paf, tu t'allonges, j'arrête de dire action de carotte, tu tires. Je suis loin des délires, friquet, strass et paillettes. Ambitieux, donc je nage dans une eau où j'ai paillettes. Tous ces jours de galère m'ont pas trop monté la tête. Dur de garder le sourire quand le cœur n'est pas à l'affaire. Dans ma vie je marche sur un fil, alors je cherche mon équilibre entre la raison, la folie. Une de mes forces c'est l'autocritique. On veut tous la perfection, mais après réflexion, ma vision a changé d'angle, ouais de perception. Entre ces lignes je perce le son, on me dit que je perds mon temps. Je baisse la forme et je berce le fond. Loin des autres, je reste dans l'ombre. Je reste le même, donc pourquoi hausser le ton? Avec ma plume, je fais ça le con. En remontant la pente sur un terrain glissant. Si je redescends, j'espère juste que la chute sera plus lente. Alors je reste simple, je reste vrai, je reste moi-même. Et si je fais le con, c'est pas grave, je m'assume quand même. Mais fast. On a voulu me boycotter, je reviens de plus belle. Laisse les jacter, les chiens resteront à la traîne. MC Terre terrifiant, et si tu peux suivre à la trace. Je mets les pleins gaz, appelle-moi néfaste. J'ai de la dalle, dalle, esprit de vandale, dalle, sarafale, fale. 5-9 connexion, trop haute, missile, hostile. Rentre dans la danse du gunshot pour l'ancienne et la new school. J'accélère le processus pour tous les frères de galère. Jamais je ne retournerai ma veste, parole sensée, sincère, indélébile. Comme l'odeur du bourriou sur le bitume amertume que l'on consomme à longueur des raptas que l'on consomme. Ça défouraille la street, c'est hardcore. Quand t'as pas une thune, pas de porte-couille dans la team. Ressens-tu le vécu dans la plume? On a perdu une bataille, mais pas la guerre, on la gagnera à l'usure. 5-9 connexion, 5-9 connexion, 5-9 connexion, 5-9 connexion.